إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله هنيئا لكم بهذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة عيد الأسبوع خير أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم وفيه من الخصائص والفضائل ما يتميز به عن غيره من الأيام ولهذا عباد الله يجب علينا جميعا أن نقدر لهذا اليوم قدره وأن نعرف له مكانته وأن نستشعر خصائصه وفضائله وأن نحقق العبودية المطلوبة منا في هذا اليوم واجبها ومستحبها وفرضها ونفلها للفوز بالأجور العظيمة والأفضال الكريمة التي أعدها الله لعباده في هذا اليوم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عباد الله إن استشعار المسلم لمكانة هذا اليوم العظيمة ومنزلته العلية وقيامه بتحقيقه بتحقيق العبودية المطلوبة في هذا اليوم يكون له زادا في أسبوعه كله ويكون قوتا للإيمان وزيادة في اليقين وقوة في الصلة برب العالمين جل شأنه وعظم عز وجل عباد الله ولهذا شرع للمسلمين في هذا اليوم أعمال جليلة وطاعات عظيمة بها تكميل إيمانهم وتتميم دينهم وصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم وبخاصة في هذه الصلاة الجامعة وما يقدمها ويسبقها من خطبتين عظيمتين فيهما التذكير بأصول الإيمان وقواعد الإسلام وكليات الشريعة وآداب هذا الدين العظيمة مما يكون في ذلك ومما يترتب على ذلك الأثر البالغ في القلوب والنفوس وكلما كانت عناية المسلم بهذا اليوم تبكيرا وتطهيرا واغتسالا وتطييبا إلى غير ذلك من السنن والمطالب يكون ذلك أكمل في حقه وأجمع له في طاعته وأتم في تحقيقه الفائدة المرجوة ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وبهذا يعلم تفاوت الناس في تحصيل فضل الجمعة وبركة هذا اليوم بحسب تفاوتهم بالعناية بفضائل هذا اليوم والعبوديات المطلوبة من المسلم فيه. عباد الله، وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به تذكيرا وبيانا ونصحا وإرشادا وتوجيها ودلالة في هذا اليوم المبارك، التذكير بأصول الإيمان وقواعد الدين العظام وتفاصيل الشريعة مما يحتاج إليه الناس ويحتاجون إلى التذكير والمذاكرة فيه، مما يكون به زوال الغفلة وحصول اليقظة وزيادة الإيمان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأعلاها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فما أجمل حال أهل الإيمان وهم يتذكرون هذه الشعب العظيمة والخصال الجليلة ويذكرون بها في هذا اليوم الأغر المبارك، فيزدادون إيمانا وتزداد صلتهم بالله واستمساكهم بشرائع الإسلام وقواعد الدين العظام، بخلاف ما إذا نوحي بخطبة الجمعة مناح أخرى تشتت فيها الأذهان وتبعد عن حقيقة ما يطلب في مثل هذا الاجتماع. عباد الله، علينا جميعا أن نرعى لهذا اليوم حقه، وأن نعرف له مكانته، وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على العناية بهذا اليوم، على العناية بهذا اليوم المبارك. جعل الله هذا اليوم لنا جميعا خير زاد إلى رضوان الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيفتض الله Préservez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala et préservez-vous d'un jour dans lequel chacun d'entre vous devra se tenir devant son Créateur pour répondre de ses actes et de ses gestes et de ses paroles. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous cette adoration dans ce grand jour qui est le jour qu'on appelle en arabe Al-Jumu'ah. Et vous savez que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis de plusieurs façons. Et une de ses plus grandes grâces, c'est qu'il nous a guidés à l'islam. Et qu'il nous a préservés du coffre et de la mécréance et de l'égarement. Vous savez que, même dans la langue française, le mot vendredi, ça fait référence à des divinités grecques ou des divinités romaines. Le lundi, le mardi, le mercredi, tous ces jours-là, à l'origine, ça vient des noms de divinités grecques. Tandis que pour nous, les musulmans, dans la langue arabe, les jours n'ont pas ces significations-là ou ces connotations de shirk et de kufr. Au contraire, ce sont des mots qui nous rappellent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre dans lequel il a créé les jours, et en même temps également le jour dans lequel on se rassemble et on se réunit. Et pour cette raison, on appelle ce jour-là Yawmul Jumu'ah, parce que c'est le jour dans lequel les musulmans se rassemblent et se réunissent. Et c'est un jour qui est considéré pour les musulmans comme un jour de célébration et un jour de fête, car c'est notre Eid hebdomadaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a légiféré, nous l'a enseigné et nous a montré les grands bienfaits qu'il y a dans ce jour. Il y a dans ce jour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière en communauté ou rassemblée et réunie. Et principalement, dans les pays musulmans, lorsque les musulmans se réunissent pour le Jumu'ah, ils ne se réunissent pas uniquement dans des petites mosquées des quartiers, mais ils se réunissent dans les grandes mosquées qu'on appelle les mosquées al-Jawami al-Kubra, hein, les grandes mosquées dans lesquelles on peut accueillir le plus grand nombre de musulmans en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un jour particulier. C'est pas un jour comme les autres. Malheureusement, le fait que nous vivons dans une société qui n'est pas une société musulmane, eh bien, on perd beaucoup justement de cette signification et de la valeur de ce que représente Al-Jumu'ah pour nous. Puisque pour nous, le Jumu'ah, c'est un rassemblement, mais on ne ressent pas sa grandeur, on ne ressent pas autant sa force, on ne ressent pas autant son importance que dans un pays musulman, un pays musulman. Le jour de Jumu'ah dans un pays musulman, c'est une vraie célébration. C'est un vrai rassemblement. Et on ressent que ce jour-là, c'est pas un jour comme les autres. On ressent que ce jour-là, c'est un jour particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce jour de vendredi de Jumu'ah, il nous a enseigné de venir tôt à la mosquée. Il nous a enseigné également, parmi les sunan, de faire le rusul, hein, de se laver, de faire le bain rituel avant de venir à la mosquée. Il nous a également enseigné de mettre notre parfum, le meilleur parfum qu'on possède ce jour-là, parce que c'est un jour particulier. Il nous a également enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'on vient à la mosquée ce jour de Jumu'ah, on met nos plus beaux vêtements, on met nos plus beaux habits, parce que c'est un jour de célébration pour nous les musulmans. Ce n'est pas un jour ordinaire, ce n'est pas un jour comme les autres. Malheureusement, dans la société dans laquelle nous sommes, on a oublié cette célébration, on a oublié cette signification, on a oublié la valeur que représente la réalité du Jumu'ah pour les musulmans. Et donc tu vois le musulman qui vient à la mosquée pour le Jumu'ah, il s'habille comme les jours de la semaine, et il met pas de parfum particulier, et il ne fait pas le rosol avant de venir à la mosquée, et il ne vient pas le plus tôt possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné plusieurs récompenses pour la personne qui vient à la prière de Jumu'ah. Et il a mentionné que celui qui vient au début de l'heure, il aura comme s'il a sacrifié une vache. Et celui qui vient un peu plus tard, il aura sacrifié quelque chose qui est un peu moins important. Et jusqu'à ce que celui qui vienne en dernier, hein, jusqu'à ce que celui qui vienne en dernier, le plus proche de l'heure de l'entrée de l'imam à la mosquée, il aura sacrifié comme une poule. Hein. Donc ça veut dire que sa valeur, sa récompense sera moindre. Pourquoi? Parce qu'il est venu moins tôt. Mais comment on peut comprendre la signification et la valeur de cela? Hein? Dans cette société matérialiste qui nous fait oublier Allah, qui nous fait oublier le rappel, qui nous fait oublier le jour du jugement dernier, qui nous fait oublier qu'on aura des comptes à rendre au jour de la résurrection devant Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous fait rappeler, hein, qu'on est des esclaves de la dunya, des esclaves de l'argent, des esclaves de la course après la vie. Mais on oublie la réalité de cette existence qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de la prière de Jumu'ah, c'est pour nous donner une recharge, pour recharger notre batterie de la foi. Une fois par semaine, on s'assoit dans la mosquée, on écoute une khutbah qui nous éveille la foi, qui nous illumine le cœur, qui nous éclaire pour avoir un peu de lumière pendant cette semaine qui est remplie de ténèbres, surtout dans cette société. On a besoin de ce rappel. On a besoin de ce réveil, parce que la plupart d'entre nous, malheureusement, on ne vient pas s'asseoir dans les mosquées pour écouter les durous et les rappels que les imams donnent quotidiennement, parce qu'on est trop occupé par la vie, parce qu'on est trop occupé par toutes les autres obligations et nos devoirs de la société. Alors c'est une journée très importante pour nous. Il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler régulièrement, et c'est un bon rappel pour nous tous. Ya Ummat al-Islam. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم